Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche et appréhender les mutations de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelles ont été les modalités d'un antilibéralisme diffus puis intégral, demande Pierre-Auzan Vallon. Comment la première critique des droits de l'homme dans un article de Marcel Gaucher pour la revue Le Débat fera-t-elle date et école? Si la formulation stigmatisante et méprisante de ce qu'on appelle le droit du lhommisme n'est pas encore trouvée, comment le procès en est-il cependant ouvert et suffisamment instruit, s'interroge encore Pierre-Auzan Vallon. Qu'est-ce qui s'est joué dans la critique de l'avènement de la société des individus au tournant des années 1980? Comment s'est déchaînée depuis lors une radicalisation des aversions, une mise en avant d'un peuple essentialisé et jugé abandonné? Et comment s'est ouvert le procès de mai 68, la pensée anti-68arde, canalisant toutes les critiques virulentes de la modernité? Pierre-Auzan Vallon, titulaire de la chaire Histoire moderne et contemporaine du politique, nous entraîne dans une grande fresque qui alterne les séquences d'histoire récente et plus lointaine et celle de récits personnels où ce grand observateur du laboratoire démocratique n'hésite pas à faire part de ses aveuglements, de ses enthousiasmes et de ses perplexités dans le cadre de sa série Sur deux ans, intitulée Les années 1968-2018, une histoire intellectuelle et politique. Le cours précédent s'est attaché en deuxième partie aux tentatives d'hégémonie intellectuelle de deux courants naissants à droite, les nouveaux économistes, promoteurs d'une vulgate libérale, et la nouvelle droite, qualifiée ainsi par euphémisme, souligné Pierre-Auzan Vallon, alors qu'elle marquait le retour d'une pensée d'extrême droite intellectuellement structurée vers la fin des années 1970. Or, à distance de ces deux premières tentatives contraires et concurrentes d'inverser la marche des idées et qui ont échoué au début des années 1980, c'est une autre vague de fond, d'abord à peine perceptible, qui va se former au large pour venir spectaculairement battre le rivage au tournant du XXIe siècle. Tout un ensemble d'essayistes et d'intellectuels, notait encore Pierre-Auzan Vallon, venant de la gauche pour la plupart, d'abord distants les uns des autres, vont progressivement dessiner à gros traits les contours d'une critique du monde contemporain en rupture frontale avec les canons dominants du progressisme. À leur grande âme, on les qualifiera plus tard de nouveaux réactionnaires ou d'anti-modernes. Et c'est dans ce contexte que l'historien rappelle l'affaire Lindenberg et qu'il interroge ce qu'il appelle le grand retournement. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 24 janvier 2018 pour le cours de Pierre-Auzan Vallon, aujourd'hui, ruptures équivoques et critiques de la modernité. Je me limite d'abord à retracer mes perplexités et mes interrogations suscitées au cours des années 1980 par certaines publications qui me semblaient marquer des ruptures dont je ne parvenais pas à saisir immédiatement la portée et l'intention sous-jacente. Des ruptures que je dirais équivoques, pouvant alternativement être comprises comme exprimant une vigilance salutaire que je pouvais partager, ou une déploration conservatrice qui m'inquiétait, comme étant de gauche et de droite, pour dire les choses lapidairement. Cela avait d'abord été le cas d'un article de Marcel Gaucher publié dans l'un des tout premiers numéros de la revue Le Débat, intitulé... C'est un article qui deviendra célèbre, intitulé « Les droits de l'homme ne sont pas une politique ». Il mêlait en effet le ton imprécateur et libertaire du gaucher de l'époque, que je connaissais bien, l'ami de Pierre Clastres, le pourfendeur de la gauche des appareils, le pilier de la réflexion antitotalitaire. L'homme, dont nous n'étions alors que quelques-uns, à admirer la puissance de travail et l'imagination conceptuelle. Se liait à ce ton l'apparition d'une nouvelle petite musique au reflet catastrophiste sur l'évolution de nos sociétés. Je pouvais suivre ces développements sans difficulté quand ils invitaient à se déprendre de l'angélisme simplificateur qui érigeait le soutien au combat des dissidents de l'Est en nouvel idéal politique, se substituant purement et simplement aux recherches précédentes des voies de l'émancipation dans le monde capitaliste. Car il était alors évident que l'effacement des régimes totalitaires ne suffirait pas à garantir l'établissement d'une démocratie active et d'une société plus juste, ce que les faits démontreront avec un triste éclat dans les années 1990. Et je ne pouvais aussi qu'approuver les avertissements devant le risque qui était pointé de voir s'imposer l'idéologie lénifiante et démobilisatrice d'une fin de l'histoire dont Francis Fukuyama se fera quelques années plus tard le théoricien et le prophète. Mais j'étais en même temps troublé de voir l'invocation des droits de l'homme paradoxalement raillée à la manière de Marx, mais Marx qui n'avait en vue, lui, que les droits du citoyen abstrait et non pas les droits de l'homme en général. Et je pouvais donc difficilement accepter le glissement du raisonnement qui finissait par conclure que les droits de l'homme ne faisaient, je cite, que « fournir un nom enviable à l'impuissance » et exprimer un extraordinaire renoncement. Et j'étais plus troublé encore par le ton d'un article qui parlait avec mépris d'une question, je cite, « aujourd'hui débattue à l'enseigne du super-chic, allant jusqu'à asséner qu'une certaine vision du goulag, je cite, « substituait un nouveau délire à l'analyse dans les banlieues de Saint-Germain-des-Prés ». Il y avait dans cet article une façon d'affirmer théoriquement une exigence qui en dénonçait les expressions affectives en les caricaturant qui m'avaient interloqué sur le fond autant que sur la forme. Mais c'est dans les outrances de cette forme auxquelles j'étais habitué, dans la bouche d'un personnage chaleureux et iconoclaste que je fréquentais beaucoup à l'époque et qui s'exprimait volontiers avec une truculence éruptive. Et c'est dans ce éléments de tempérament et de langage que j'avais voulu voir la véritable matrice d'un déplacement des lignes que je ne parvenais pas encore à analyser complètement. Et ce n'est que plus tard que je prendrai conscience du caractère problématique de cet article qui entendait autant marquer sa rupture intellectuelle avec Claude Lefort, qui lui aussi avait été interloqué, mais sans comprendre véritablement le fond de cet article, que témoigner de ce qu'il appellera lui-même plus tard son virage à droite. Et la stigmatisation méprisante du droit de l'hommisme, qui aura beaucoup de succès une vingtaine d'années plus tard, n'avait pas encore trouvé sa formulation, mais le procès avait commencé à être instruit pour qui savait lire, mais ça n'était pas encore mon cas, je ne savais pas encore lire. Au-delà du rappel de cette critique des droits de l'homme qui fera date et école, l'important est ici de souligner que Gaucher analysait leur élévation comme un phénomène dérivé de ce qui constituait pour lui le trait essentiel et problématique de ce tournant des années 1980, l'avènement d'une société des individus. Gaucher savait bien que le sens de l'individu avait d'une certaine façon toujours existé. Il n'avait évidemment pas la naïveté de penser qu'il faisait son apparition en sortant soudain du néant. Il savait bien aussi que la consécration de sa centralité était le propre de la modernité, tel que ses ressorts et ses principes avaient été formulés à partir de la fin du XVIIe siècle. Mais il jugeait qu'il y avait une forme de radicalisation problématique de cette modernité qui était à l'œuvre. Je reviendrai dans une séance ultérieure pour analyser cette idée de radicalisation problématique de la modernité. Mais je dis tout de suite que cette radicalisation était décrite comme ayant une dimension juridique, avec la tendance à l'effacement du politique, et qu'elle considérait que l'interaction entre les hommes tendait du même coup à être régie essentiellement par la sphère du droit, les droits de l'homme étant compris dans cette perspective, non pas comme des attributs des possibilités de l'individu, mais comme un mode de composition du rapport social. C'est une radicalisation qui était également perçue de façon anthropologique et psychologique, anthropologique avec l'avènement d'un individu détaché désormais de toute forme d'incorporation. Individu abstrait donc, tendant à n'être plus qu'un être anonyme et interchangeable selon sa formule. Psychologique aussi, avec la montée en puissance d'une économie psychique des êtres, les conduisant à une posture narcissique qui les isolait et tendait à les replier sur le petit cercle de leurs proches, tout en les poussant simultanément dans une logique compensatrice à adopter des comportements suivistes et des pratiques conformistes. Gaucher reprenait sur ce dernier point les analyses de Christopher Lasch, qu'un des sociologues proches du débat, Gilles Lipovetsky, avait vulgarisé pour le public français dans un livre à succès, « L'ère du vide », publié chez Gallimard en 1983. Il n'y avait donc rien de plus urgent, disaient l'un et l'autre, que de mettre en lumière cette dynamique aliénante de l'individualisme pour la combattre. Et là encore, l'analyse était ambiguë, car il était facile de la suivre s'il s'agissait de dénoncer ce qu'on appelle, en prenant le vocabulaire de Castoriadis, la privatisation des individus. Mais cette critique n'était pas suivie d'une réflexion sur les conditions d'une autonomie véritable. Elle allait plutôt dans le sens d'un appel à un processus de réidentification collective des individus pour inverser la tendance à la déliaison sociale, ce qu'on appelait la pathologie de la désappartenance chez ces deux auteurs. Le paradoxe était ainsi que ce type d'analyse, qui avait une construction savante, débouchait in fine sur une appréhension relativement triviale de l'individu atome. Cette thématique allait s'imposer à partir de cette période comme un leitmotiv des critiques de la modernité, porté par le développement aussi d'une lecture appauvrie de Tocqueville comme penseur du conformisme, dénonciateur du nombre anonyme et menaçant et contempteur d'une égalité-similarité problématique. Et ce n'est qu'avec la parution en 1993 d'un livre qui fera un effet de choc, celui de Paul Yonnet, « Voyage au centre du malaise français », qui accusera le droit de l'homisme et l'antiracisme de constituer un nouvel ordre moral ayant pour fonction de stigmatiser l'identité française, que ces différentes analyses apparaîtront tout d'un coup plus claires à mes yeux. C'est dans ces conditions que l'on peut parler des premiers pas, pourrait-on dire, des premières analyses qui ont mis en place ce qu'allait devenir compris comme le grand retournement. Le grand retournement, le moment où il a été discuté, le moment où il est apparu pour le grand public, c'est au moment où il y aura la publication du livre de Daniel Lindenberg, « Le rappel à l'ordre, enquête sur les nouveaux réactionnaires », livre qui était paru dans la collection « La République des idées » que je venais de lancer quelques mois plus tôt. C'était un des premiers livres de la collection de « La République des idées », « République des idées » que j'avais lancé parce qu'après avoir mis la clé sous la porte de la Fondation Saint-Simon, je ne voulais pas me contenter de retourner simplement à la rédaction des livres qui étaient en cours et que je pensais avoir un devoir d'intervention et d'animation du débat public. Et qu'il y avait urgence, alors, me semblait-il, à sortir du face-à-face stérile que j'ai précédemment exposé entre une gauche de gouvernement à bout de souffle et une gauche de résistance qui n'offrait pas d'autre horizon que celui d'un retour à un passé mythifié. Et le projet de cette entreprise, la République des idées, a été de refaire le bagage d'idées de la démocratie française. Et le refaire d'une double façon, le refaire d'abord en déprovincialisant le débat public français, et une des premières initiatives de la République des idées a été de lancer une revue, bimestrielle d'abord, puis mensuelle, qui avait pour titre « La vie des idées dans le monde », et qui sera publiée de 2002 à 2007, En 2007, cette revue deviendra une revue qui sera sur Internet et qui s'appellera tout simplement « La vie des idées » et dont nous allons bientôt fêter les 10 ans. À côté de cette revue « La vie des idées dans le monde », j'avais lancé donc une collection « La République des idées » qui sera coéditée avec Le Seuil, qui était des petits volumes et qui avait pour but d'éclairer des questions d'actualité en permettant de reconceptualiser les termes d'une question à partir de travaux existants. Ça n'était donc ni une philosophie de livres qui auraient été des repères, ni de livres qui auraient été des que sais-je, mais au contraire, des livres qui mettaient à la disposition d'un large public, disons, les résultats de recherches scientifiques qui permettaient de reproblématiser des grandes questions contemporaines. Et c'est dans ce cadre-là, mais en faisant un petit peu un écart vers l'histoire des idées, que j'avais passé commande à Daniel Lindenberg de son ouvrage qui s'appellera donc « Le rappel à l'ordre ». Si j'avais demandé à Lindenberg de faire ce travail, c'est parce que j'avais eu mon attention attirée, avant même la vie proprement intellectuelle, par un basculement qui me semblait spécialement sensible dans le champ littéraire. Dans le champ littéraire, avec l'émergence d'un auteur qui allait devenir un auteur français le plus commenté dans le monde, Houellebecq, et notamment avec son livre « Les particules élémentaires ». Également, à l'époque, mais c'est un auteur qui, lui, est devenu moins important pour des raisons de santé mentale, disons, c'est Maurice Dantec qui a publié à ce moment-là « Le théâtre des opérations ». Il me semblait qu'il y avait dans ces deux livres puissants et acerbes une façon de parler du monde contemporain tout à fait nouvelle et qu'il fallait réfléchir et essayer de catégoriser ce qu'exprimaient ces deux ouvrages. Et c'est pour cela que j'avais demandé à Daniel Lindenberg d'entreprendre cette enquête sur le mouvement des idées qui structurait au fond cette révolution en littérature, mais qui apparaissait bien sûr également dans d'autres domaines de la vie proprement intellectuelle. J'avais demandé à Daniel Lindenberg parce qu'il avait publié deux livres qui avaient fait référence. Il avait publié « Le marxisme introuvable » dans les années 70 et dans les années 80, « Les années souterraines ». « Le marxisme introuvable » était un livre d'histoire des idées qui montrait à l'intérieur de la gauche ce qu'avait été les conditions de réception de Marx. Et une lecture très attentive qui montrait qu'au fond, c'est une simplification de Marx qui avait été introduite dans le socialisme français, et non pas, je dirais, une philosophie réfléchie du marxisme, ce qui fera dire à Marx, en parlant de son gendre Gérard Longuet, qui était marié avec la fille de Marx, « Quand je le vois, je me dis que moi, je ne suis pas marxiste ». Et le deuxième livre, c'était « Les années souterraines », qui était une histoire intellectuelle du milieu des années 1930 et de la période de Vichy. Et Lindenberg était un spécialiste, je pourrais dire, des périodes troubles et de ceux qu'on appelait les non-conformistes dans ces années-là, ceux qui passaient de droite à gauche, enfin plus souvent d'ailleurs de gauche à droite, ceux qui passaient d'un socialisme vers le fascisme. Et donc, il m'avait semblé que pour comprendre le temps présent, il était précieux de faire appel à un auteur, justement, qui était spécialiste de ces périodes de retournement, de ces périodes de trouble, de ces périodes de difficulté à analyser et à comprendre les réalités. Et s'il s'était fondé au premier chef sur l'œuvre des écrivains mentionnés, auxquels il consacrera deux annexes spécifiques, il s'était aussi intéressé à des essayistes alors en vue, et qu'ils sont toujours, comme Alain Finkielkraut, Régis Debray, ou deux qui sont décédés depuis, Philippe Muret ou Paul Yonnet, ainsi que d'une poignée d'intellectuels significatifs. Et il avait brossé les traits d'un nouvel ordre intellectuel que ces auteurs fort divers dessinaient en filigrane. Critique des droits de l'homme, vitupération contre la culture de masse, stigmatisation de mai 68, dénonciation des dérives de l'antiracisme ou des mouvements féminismes, emportement général contre le politiquement correct et condamnation de l'individualisme destructeur, tels étaient quelques-uns des principaux thèmes qui lui semblaient sous-tendre ses écrits et dessiner une galaxie qui avait sa cohérence. Mais contraint par le format de la collection, des livres de moins de 100 pages, l'enquête de Lindenberg s'était retrouvée à l'étroit pour être restitué et mis en forme. Et l'ouvrage avait eu le défaut d'être simultanément touffu et elliptique. J'avais pensé du même coup qu'avec ces défauts, il ne serait destiné qu'à poser un premier jalon dans une entreprise qu'il était impératif de prolonger et d'approfondir. Mais il déclencha un véritable séisme. Le Monde s'en empara d'abord en lui faisant l'honneur de sa première page, mettant en scène une bataille des intellectuels jugé susceptible de faire vendre un peu de papier, ce qui a effectivement été le cas. Et les personnes citées dans le livre se mirent de la partie en dénonçant d'abord la nullité d'un ouvrage qu'ils qualifièrent dédaigneusement de libelle, en l'accusant de procéder à une opération de police de la pensée. Et tout en niant la réalité des convergences établies par Lindenberg, les principaux intéressés s'empressèrent de signer un texte commun dans l'Express, sous la forme d'un manifeste pour une pensée libre, qui fit la couverture de l'hebdomadaire. Lindenberg était traité de commissaire politique, établissant une liste de malpensants, dont la faute était d'être de simples messagers d'une juste inquiétude. Et le Figaro magazine rassembla de son côté, peu de temps après, les mêmes figures, dans un ensemble également valorisé en couverture, sous le titre de « Penser autrement ». En même temps que bon nombre de ces intellectuels étaient réunis à Deauville dans un colloque, et le livre, donc, qui s'était vu taxé d'insignifiance, avait été traité comme méritant un traitement d'exception. Les raisons de cet emballement, il avait eu une dimension proprement mécanique médiatique. Il avait aussi tenu au fait que le livre avait été publié dans une collection que je dirigeais, alors que quelques-unes des personnes citées appartenaient au centre de l'école des hautes études dont j'étais à la tête, le centre Raymond Aron. Et donc, certains firent donc comme si j'avais été l'auteur réel du livre. Mais le choc et l'emballement tinrent surtout à l'effet de révélation. Au-delà de ses maladresses et de ses raccourcis, il avait en effet mis les pieds dans le plat, comme on dit vulgairement. Il avait appelé les choses par leur nom, même si ce nom et cette qualification pouvaient être discutés. Et reconsidérer aujourd'hui, c'est plutôt le caractère prémonitoire de cet essai qui s'impose avec évidence. Et de nouveaux noms, certes, font leur apparition dans cette nébuleuse. Pensons par exemple à des essayistes comme Jean-Claude Michéa, Michel Onfray, Christophe Guilly, ou encore à des plumes journalistiques qui n'existaient pas à l'époque, comme Éric Zemmour et Natacha Polony. Et c'est maintenant, avec fierté d'ailleurs, que tout ce petit monde se félicite haut et fort du grand retournement dont était l'agent victorieux. Victorieux, car ceux-là même qui s'estimaient autrefois victimes d'une injuste dénonciation, cloués au pilori et marginalisés, sont ceux qui, depuis plusieurs années, colonisent les couvertures du Point, de Valeur Actuelle, du Nouvel Obs ou de l'Express, comme de causeurs ou d'éléments. Ces deux dernières publications étant devenues d'une certaine façon les organes de cette nébuleuse. En s'étoffant et en gagnant en puissance, cette nébuleuse changera aussi de nature. Elle se teintera désormais aussi davantage d'accent politique, dessinant la toile de fond de thématiques souverainistes qui s'étaient désormais fortement affirmées dans l'espace public, on l'a vu, ou accompagnant la vague montante des populismes. Elle nourrira aussi intellectuellement les campagnes en faveur d'une définition intégriste de la laïcité ou l'opposition aux réformes sociétales des années 2000. Il y a certes bien des profits dans cette nébuleuse, ceux de l'universitaire, ayant progressivement, d'ailleurs, perdu de l'importance. Si elle gagnera en influence, ce sera en effet surtout grâce au poids croissant en son sein des journalistes essayistes. Mais cette question est secondaire. Il faut en effet toujours penser une nébuleuse sur le mode d'une diversité et d'une complémentarité des styles autant que des obsessions. C'est d'ailleurs l'inconvénient qu'il y a toujours à citer des noms dans un pareil cas, le risque étant d'être accusé de procéder par amalgame, par un effet de liste disparate. Il y a bien aussi une multiplicité de tempéraments qui s'y sont superposés, comme dans toute nébuleuse. L'ex-militant aigri et désabusé, l'essayiste caustique, l'imprécateur énervé et obsessionnel, le prophète sentencieux, le grand écrivain pontifiant, le savant masqué, tous ont trouvé leur place. Et cette diversité a convergé sans avoir besoin de comité central ou de revue commune. Il n'y a eu là rien de commun avec la montée en puissance de la nouvelle droite de la fin des années 70, qui, elle, a eu son chef d'orchestre et ses organes officiels. C'est pourquoi j'emploie volontairement le terme de nébuleuse. Il ne s'agit en effet ni d'une école, ni d'un groupe, c'est plutôt d'une culture politique diffuse qu'il convient de parler. Une culture politique dont on doit cerner les grands traits pour lui donner consistance. Ce qui permettrait de s'émanciper des catégories de nouveaux réactionnaires ou d'antimodernes qui ont aidé à saisir un phénomène émergent tout en étant devenus des obstacles à la compréhension plus avancée de ce site, en rétrécissant sa portée par le fait d'une caractérisation à la fois trop floue et trop globalisante. On peut appréhender cette culture politique à partir de quatre dimensions. Son substrat intellectuel d'abord, un antilibéralisme intégral. Son style rhétorique ensuite, de type négatif, fondé sur une radicalisation de ses aversions. Son ressort moral également, l'exaltation d'un peuple essentialisé, jugé, abandonné et méprisé par le camp progressiste. Son événement repoussoir enfin, mai 68. Je commence par la première dimension, l'antilibéralisme intégral. D'un point de vue intellectuel, c'est l'antilibéralisme qui constitue effectivement le socle fédérateur de cette nouvelle culture politique. Le libéralisme étant appréhendé là dans son sens le plus étendu, celui de son acception anglo-saxonne, bien au-delà donc d'une simple référence au rôle du marché. C'est-à-dire le libéralisme conçu en termes anthropologiques, moraux, sociaux et politiques. La critique anthropologique du libéralisme est première dans ce cadre. Celui-ci, écrit par exemple typiquement Alain Finkielkraut, s'identifie à ce qu'il y a de plus inquiétant, la constitution dans les démocraties occidentales d'un sujet désaffilié, désoriginé, déterritorialisé, libre de toute dépendance et de toute détermination. Hors sol, hors sexe, hors histoire, un pur touriste en somme. Elle ne se donne plus pour tâche de fonder une véritable communauté humaine, elle bénit au nom des droits individuels la dissolution progressive des communautés et des appartenances. C'est une façon très classique et très bien résumée de faire la critique anthropologique du libéralisme, et nous verrons qu'elle a une longue préhistoire. Cette analyse et les inquiétudes qu'elle véhicule se retrouve sous toutes les plumes évoquées dans ces pages. C'est en effet bien le procès de l'individualisme qui est premier, avec ce qu'il est accusé d'engendrer, la déliaison sociale qui instaure un monde qui ne fait plus corps au premier chef, mais aussi un monde artificialisé, radicalement dénaturé au sens propre du terme. La critique morale du libéralisme en découle. Sacralisant l'individu, il est accusé de détruire les valeurs traditionnelles de solidarité, fondées que sont celles-ci sur la reconnaissance de la consistance des corps intermédiaires et des supports qu'ils offrent, qu'il s'agisse de la famille ou du métier, par exemple. Il est aussi, ce libéralisme, vilipendé pour ne laisser subsister qu'un face-à-face problématique des individus avec l'État pour que ceux-ci surmontent les difficultés de leur existence. En termes sociaux et politiques, ce libéralisme est dénoncé en conséquence parce qu'il détruit les notions mêmes de peuple et de corps politique. C'est donc dans son unité que le libéralisme est pensé et critiqué dans cette littérature, à juste titre, pourrait-on dire, parce qu'effectivement, cette unité existe, en tout cas chez les grands penseurs du libéralisme, comme l'ont été par exemple Stuart Mill ou John Dewey. Mais ce qui est problématique, et que ce libéralisme soit décrit comme obéissant à une logique implacable. Jean-Claude Michéal, l'intéressant auteur de « Impasse Adam Smith » et de « L'Empire du moindre mal », essai sur la civilisation libérale, a mis l'accent sur cette dimension, parlant de fuite en avant perpétuelle des principes libéraux. Tendance chez lui intrinsèque à une extrémisation qu'il évoque de façon frappante à partir du génie des perversions sexuelles illimitées liées à la figure de Sade. Seul le marquis de Sade, a-t-il ainsi écrit, avait eu la folie suffisante pour imaginer par avance toutes les implications d'un libéralisme entièrement développé, et d'ajouter ce qui explique qu'il soit si rapidement devenu un des auteurs cultes de l'extrême-gauche libérale française. Cette dernière remarque permet d'appréhender une caractéristique essentielle de cet antilibéralisme intégral. Il absolutise et il essentialise ce qui renvoie en fait à ce qu'on pourrait qualifier de dilemme de la modernité libérale. L'émancipation-autonomie, qui s'exprime dans les révolutions du XVIIIe siècle, est en effet à la fois une solution et un problème, une avancée et un risque pour l'humanité. Elle n'est jamais donnée, reste fragile et doit toujours être mise en forme, trouver ses modes adéquats d'institutionnalisation. Il en va de même pour l'idéal démocratique, toujours menacé d'être caricaturé et restant inachevé. Mais le constater n'oblige pas à forcer le propos et à le considérer comme condamné à s'anéantir et à se retourner en son contraire, le fameux despotisme doux du conformisme évoqué par Tocqueville. Cet antilibéralisme a ainsi pour caractéristique d'être soutenu par un type de pensée que l'on pourrait dire résolument non dialectique. Elle ne voit pas le monde à partir des contradictions, des tensions et des indéterminations qui le constituent, et ne l'appréhende que sous les espèces d'une machination implacable qui le guiderait. Au fond, c'était ça le fond philosophique et on pourrait dire presque spirituel de l'antilibéralisme de Joseph de Maistre. Et c'est du même coup un pessimisme qui ne peut nourrir aucun optimisme de la volonté. Il participe donc aussi de cette façon des radicalités d'impuissance que nous avons précédemment évoquées. J'ai appris hier. Il faut croire que je retarde. Ou peut-être n'est-ce qu'un faux bruit? L'un de ces sales ragots, comme ils sont colportes entre évier et latrine, à l'heure de la mise au baquet des repas, une fois de plus ingurgités. Le Collège de France et France Culture vous présente Pierre aux Envalons, aujourd'hui 1968-2018, le grand retournement, ruptures équivoques et critiques de la modernité. Je vais donc reprendre cette analyse des grands constituants de cette culture politique en commençant par parler du style rhétorique de cette culture politique. Il découle de cette vision radicalisée de l'antilibéralisme, un style rhétorique spécifique. Un style marqué par une dramatisation des analyses, dominé par un horizon plombé des plus sombres perspectives et marqué par un véritable déracinement des mots. Un système scolaire jugé fautif sera taxé de barbare. L'avènement d'une économie mondialisée est considéré comme équivalent à un totalitarisme sans nom et sans visage, même si ces affirmations sont parfois euphémisées sous les espèces de l'assimilation des temps actuels à une barbarie douce ou à un soft totalitarisme qui dessine les contours du pire des mondes. J'avais été ainsi frappé par le titre emblématique et glaçant du livre de Jean-Claude Milner, « Les penchants criminels de l'Europe démocratique ». Et le monde présent est décrit dans cette littérature comme identique à celui de 1984, dans lequel le sens des mots est inversé, ou du moins totalement détaché de la réalité. Les propriétés de la démocratie contemporaine sont ainsi assimilées à celles de l'ancien totalitarisme. Et c'est donc un paradoxe de voir que c'est dans cet espace intellectuel que beaucoup de personnes se piquent de la référence à Orwell, alors même qu'ils empruntent à 1984 un certain nombre de mécanismes qui y sont décrits. Lisant cette littérature, je n'ai cessé d'avoir le sentiment d'être face à une sorte de révisionnisme inversé. Je m'explique. Le propre des propos révisionnistes ou négationnistes est de relativiser l'extrême, de le banaliser, alors qu'il y a là, au contraire, une sorte d'extrémisation du banal qui est à l'œuvre et qui finit par conduire à employer le même mot de totalitarisme pour désigner l'oppression du règne de la marchandise à l'âge d'une égalité niveleuse avec le totalitarisme soviétique ou celui des régimes communistes. Dans les livres de cette veine, le jugement ne sait se construire qu'en prophétisant des catastrophes. La raison est toujours apocalyptique et il ne cesse de se jouer dans ce glissement des mesures une sorte d'égarement de la pensée qui se mue au sens propre du terme en idéologie, c'est-à-dire en une vision du monde sans histoire, infalsifiable, répétitive, extrémisée et repliée sur elle-même. Cette précipitation, ou mieux cette exacerbation conceptuelle, fait système avec des pensées organisées sur un mode binaire, structurées par des oppositions tranchées, de telle sorte que coexistent en elles la violence et le flou, la radicalité et les simplifications. Elles sont aussi toujours situées à un niveau de généralité qui rend difficile leur discussion, caractéristique accentuée par le fait qu'elles sont au plus profond d'elles-mêmes, structurées par des haines, des aversions et des passions, avec la mise au bout des pics de têtes de Turcs caricaturées à dessein, le common man asservi, le progressiste ridicule, l'antiraciste pavlovien, le libéral satisfait, le bobo ou le bien-pensant aveugle. Elles correspondent aussi ainsi à un tempérament et à un style exprimé par une tendance permanente à la vitupération. Je reprends là la formule qu'Antoine Compagnon a justement utilisée à propos du style d'écriture des antimodernes et auquel il consacre une dizaine de pages dans son livre « Les antimodernes » de Joseph de Maistre à Roland Barthes. C'est aussi au nom du peuple que les différentes figures du grand retournement ont justifié leur sainte colère. Un peuple estimé, oublié et trompé par un progressisme de gauche, accusé de n'accorder d'importance qu'à des discriminations et des droits individuels qui ne concerneraient au fond que des minorités ou de petits groupes de marginaux privilégiés. Cette opposition rituelle du social populaire au sociétal privilégié sera au cœur de cette vision. Elle mérite d'être discutée et prise au sérieux. Il est en effet légitime de critiquer une gauche que l'on voit désorientée, orpheline d'un nouveau projet de transformation sociale. Mais il serait à l'inverse nécessaire de souligner que les réformes dites sociétales, le mariage pour tous par exemple dans la période la plus récente, ont aussi une importance sociale vitale pour toute une partie de la population. Et que l'opposition des deux sphères n'est pas fondée, l'extension des droits dans tous les domaines participant d'une même dynamique d'émancipation. Et la question est plus celle d'une limitation actuelle de la conception de la dynamique des droits de l'homme que celle de la mise en accusation de ces droits de l'homme. Je pense notamment, j'y reviendrai plus tard, à ce que peut vouloir dire l'application des droits de l'homme dans le domaine social et économique. Mais ce n'est pas à ce niveau juridique et instrumental que les problèmes sont en fait vraiment posés. La critique n'est pas formulée du point de vue d'un nouveau type de politique sociale qu'il serait nécessaire d'adopter. Elle reste ainsi purement rhétorique, s'appuyant sur une vision abstraite du peuple célébré. Un peuple qui n'est implicitement appréhendé que sous les espèces d'un bloc et d'une identité déjà donnée. Point de vue sociologiquement discutable, tant le social ne peut être aujourd'hui compris que sous les espèces d'une vaste déclinaison de conditions et de situations distinctes, et que sa figure ne peut simplement être rapportée à quelques lignes de partage territoriales ou économiques. Le peuple n'existe que sous les espèces d'une figure démocratique à construire et d'un espace concret de solidarité à mettre en œuvre et non pas d'une identité essentialisée. Au-delà de ce champ de discussion, c'est une autre dimension d'ordre politique de cette rhétorique populiste qui apparaît déterminante. Elle donne un langage de gauche à une approche qui est en son fond d'essence conservatrice. C'est une dimension clé de ce grand retournement. Il prétend faire d'une nouvelle droite l'héritière d'une gauche authentique et participe de cette façon à l'ébranlement des catégorisations politiques précédentes. Même si, en termes étroitement partidaires et politiciens, on ne peut pas dire que cette culture politique participe positivement d'une préférence partisane spécifique. Son entreprise est en effet d'abord marquée d'une valeur négative, celle d'une disqualification et d'une délégitimation des différentes formes de progressisme sous toutes ses formes, comme expression politique du développement de la modernité. Le procès de mai 68 constitue le quatrième et dernier élément structurant de la pensée du grand retournement, faisant porter la critique sur un autre terrain que celui de la droite traditionnelle au moment des événements. Ceci avait, on le sait, provoqué la peur et l'incompréhension à droite. C'était l'utopie, la chienlit, la menace révolutionnaire, le prurite verbal que l'on avait stigmatisé sans surprise de ce côté. Et tout en se démarquant fortement des essais les plus caricaturaux qui avaient vomi l'insurrection étudiante et la grève ouvrière, un Raymond Aron s'était lui-même reconnu déstabilisé en profondeur, confronté à ce qui était pour lui une sorte d'impensable. À distance de ces peurs et de ces effrois de la période de 68 proprement dit, c'est un autre type de critique, prenant elle tout à fait au sérieux les événements, qui montera progressivement en puissance et exercera une forte influence. Ils seront appréhendés, ces événements, comme participant d'une ruse de l'histoire pour instaurer le règne du libéralisme. Le premier à avoir filé l'argument avait été Régis Debray, avec un livre de 1978 qui avait pour titre « Modeste contribution au discours et cérémonie officielle du 10e anniversaire » et qui sera ensuite réédité sous un titre plus explicite « Mai 68, une contre-révolution réussie ». Il avait parlé dans ce livre d'une harmonie naturelle entre les rébellions individualistes de mai et les besoins politiques et économiques du grand capitalisme libéral. Pour Debray, les idées de mai n'avaient servi qu'à remettre les pendules à l'heure, car, expliquait-il, la bourgeoisie se trouvait politiquement et idéologiquement en retard sur la logique de son propre développement économique. Donc il appliquait en quelque sorte une analyse marxiste à contrario. Il fallait en effet, soulignait-il encore, tôt ou tard en finir avec le triste travail, famille, patrie qui régnait précédemment pour que la société de consommation impose sa loi. Il fallait en finir avec le conservatisme social pour libérer les forces productives. Il y avait dans ces propos de Debray le mépris du combattant de la Sierra Madre pour ceux, disait-il, qui s'étaient contentés, je le cite, de jouer aux cow-boys et aux Indiens en mai 68. Et n'avaient été à ses yeux que des révolutionnaires d'opérette. Et ce d'autant plus, écrivait-il, que les petits bourgeois honteux qui étaient à ses yeux les étudiants de la période étaient devenus 10 ans plus tard, considérait-il, je le cite, des petits bourgeois fiers de l'être, glorieux et prédicants. Cet ouvrage avait l'inconvénient de suinter le dépit d'un absent de l'histoire. Mais en même temps, il avait, le premier, donné le sens d'une critique qui allait être progressivement approfondie. Un peu plus tard, au milieu des années 1980, il y a eu le succès médiatique de la Pensée 68 de Luc Ferry et d'Alain Renaud. C'est une attaque en règle de deux jeunes Kantiens contre les grands manitous de l'époque, de Deleuze à Foucault et de Bourdieu à Derrida, considérés comme des figures propageant un anti-humanisme coupable d'avoir perverti la jeunesse de l'époque. Mais la principale limite de la charge était qu'elle ne disait rien sur l'esprit de 68, puisque les auteurs épinglés n'avaient pas pris part au mouvement, ou que de loin, ils ne l'avaient pas commenté, si ce n'est même parfois pour l'avoir critiqué mezzo voce, comme dans le cas de Bourdieu. Mais s'instilla avec ce livre dans une partie de l'opinion de droite, puis dans celle d'une partie de l'opinion de gauche qui commençait à dériver, l'idée vague qu'il fallait en finir avec 68 pour permettre au pays d'avancer. Chaque anniversaire donne ensuite lieu à une avalanche de publications. Mais c'est à partir de 1998 seulement que le procès fut véritablement instruit de façon systématique, avec un fort volume de Jean-Pierre Le Goff, mai 68, L'héritage impossible. C'est lui qui rédigea précisément l'acte d'accusation. Il nourra pour cela tout un ensemble d'analyses précédentes des mutations contemporaines pour rattacher à 68 toutes ces mutations contemporaines. Il prendra les analyses de Lipovetsky dans l'ère du vide, qui était décalquée, je l'ai dit, de Christopher Lasch. Il s'appuiera sur le fait que cet ouvrage était l'un des premiers à défendre l'idée de l'avènement fâcheux d'un individualiste total, fondé sur une hypertrophie de l'ego. Il s'appuiera aussi sur les analyses critiques de l'individualisme liées au culte des droits de l'homme. Mais la caractéristique de ce livre de Le Goff, c'est qu'il réduira la focale. C'est-à-dire que toutes les critiques de la modernité qui avaient commencé à se faire jour dès les années 80, il va les rapporter à 68. Et 68 va être vu comme le véritable moment de catalysation de cette modernité. alors que la plupart des autres ouvrages analysaient les problèmes de cette modernité comme liés à une histoire longue qui n'était pas spécialement rapportée à mai 68. Et il avait aussi renforcé le dossier d'instruction. Bien avant la parution du Nouvel Esprit du capitalisme de Luc Bostanski et d'Ève Capello, il avait ainsi développé la thèse selon laquelle la nouvelle idéologie managériale n'avait pu s'imposer qu'en mobilisant à son profit l'idée d'autonomie qui était au cœur des aspirations de mai, et que ces aspirations de mai avaient été ainsi mises au service d'un développement du capitalisme qui s'emparait dorénavant des esprits autant que des corps. Il avait également attribué à la prégnance de ces dernières le déclin de l'autorité, l'indifférence à la transmission et la fragilisation générale des institutions, au premier rang desquelles l'école. À partir de la fin des années 1990, c'est ainsi à mai 68 que bien des maux de la société française commenceront à être imputés par certains. Et au moment du 40e anniversaire, on verra de façon emblématique tout un ensemble de personnes considérer que mai 68, c'est le présent vivant qui contient une part de tous les problèmes de la société française d'aujourd'hui. Et dans la campagne même électorale qui aura lieu alors, on verra plusieurs personnalités politiques de droite se référer à 68 comme l'origine du malheur français. Il est encore trop tôt pour dire quels seront les livres qui seront publiés pendant le printemps 2018, mais il est certain que nous voyons déjà se dégager deux catégories de livres, un petit nombre de livres qui essaient et qui ont déjà commencé à être publiés, qui essaient de faire une histoire objective de mai 68 et pas simplement une histoire, je dirais, des grandes figures du gauchisme, mais de faire une histoire du mai 68 profond dans la société française, mais qu'au fur et à mesure qu'on se rapprochera du mois de mai, certainement que nous verrons aussi apparaître de plus en plus d'essais, je dirais, de mise en accusation de 68 dans les effets produits dans la société française avec tous les problèmes que cela représente. Et cette pensée anti-68, elle est actuellement, pourrait-on dire, une façon de résumer et de canaliser toutes les réflexions critiques de la modernité libérale. Faire ce constat de l'avènement de cette nouvelle culture politique fondée sur un antilibéralisme avec les caractéristiques stylistiques, les caractéristiques aussi de référence historique qui sont les siennes, doit être remis en perspective, me semble-t-il. Car si on regarde les choses dans la longue durée, il est frappant de constater que ce qui a progressivement refait surface à partir des années 80 et encore plus, disons, tournant du millénaire, c'est l'ensemble d'un répertoire historique des critiques de la modernité avec ce qui l'a constitué, les dénonciations récurrentes de l'individualisme, du conformisme, de la vulgarité et du règne de la marchandise. Critiques qui se sont appuyées, comme autrefois, aussi bien sur une vision traditionnaliste du monde que sur des appréhensions artistes ou même socialistes de l'homme et de la société, avec toutes les équivoques et les faux-semblants qui avaient déjà dérivé dans le passé de ces convergences et qui étaient nés de ces répulsions partagées. C'est pourquoi il est intéressant de rappeler l'histoire longue de ces critiques, avec l'histoire des confusions politiques et intellectuelles qu'elles ont pu dessiner, l'histoire des chassés-croisés idéologiques auxquelles elles ont déjà donné lieu. Du fait même de ces caractéristiques, cette histoire donne en effet une profondeur de champ éclairante à notre situation contemporaine. Et c'est pour cela que je voudrais présenter, rappeler un certain nombre de ces éléments. Un certain nombre de ces éléments, commençant par l'histoire de la dénonciation de l'individualisme. La dénonciation de l'individualisme avait été un des grands thèmes de la critique de la société française dès le début du XIXe siècle. Forgé dans les cercles saint-simoniens au milieu des années 1820, le terme avait alors d'individualisme avait alors été utilisé pour décrire ce qui était ressenti comme l'irruption d'un état social inédit, celui d'un monde dans lequel les hommes et les femmes ne faisaient plus corps, un monde que l'on voyait désormais livré à l'enchevêtrement anarchique des intérêts particuliers. L'individualisme, le terme, ne fait son apparition que vers 1825. L'individualisme désignait pour les Saint-Simoniens et les contemporains la forme sociale générique de ce qu'on appelle la concurrence en économie et l'égoïsme en morale. Et un observateur de la période n'hésitait même pas à parler, je le cite, de ce sentiment effroyable que la langue a cru digne d'un mot sauvage, l'individualisme. Cette société vouée à l'égoïsme et à l'anarchie, selon l'expression martelée dans la littérature saint-simonienne, était aussi celle que le roman cherchait à décrire. On a ainsi vu Balzac déplorer dans César Birotteau le fait que la nation soit dissoute car, je le cite, « elle ne fait plus corps que par les ignobles soudures de l'intérêt matériel, par les commandements du culte que crée l'égoïsme bien entendu ». Ce règne de l'individualisme, que presque tous vouaient aux hégémonies, ne faisait pourtant guère l'objet d'analyses précises. Et Tocqueville était alors très isolé dans sa tentative de distinguer plus rigoureusement le vieux de l'égoïsme et le neuf de l'individualisme, et de montrer sur cette base la complexité de l'univers démocratique qui était en train d'émerger. Il est vrai que cette analyse est plus tardive parce qu'elle n'apparaît que dans la deuxième partie de la démocratie en Amérique, qui est de 1840. Donc toute cette stigmatisation de l'individualisme, elle est présente dès 1820, disons. Et cette vision globale et diffuse explique d'ailleurs la difficulté que beaucoup ressentaient à l'époque de distinguer l'esprit d'individualité, qui était considéré comme une conquête positive de l'esprit moderne, et l'individualisme, qui était stigmatisé comme une maladie du corps social. Cette dénonciation de l'individualisme allait de pair avec la hantise d'une dissolution sociale. La France était alors un corps sans unité, sans harmonie, dont tous les membres tendaient mutuellement à se dissoudre, notait typiquement un observateur de la période, tandis qu'un autre estimait encore plus abruptement « il n'y a plus de société aujourd'hui ». Ces jugements lapidaires, mille fois répétés, j'ai été surpris de les trouver formulés aussi fortement à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai entrepris un travail historique sur, justement, l'histoire de toutes ces critiques du libéralisme et de la modernité, mais que je n'ai jamais publié. Enfin, pas encore, en tout cas. Et toute cette critique, elle se trouve aussi bien sous des plumes traditionnalistes que sous des plumes socialistes. Je pense notamment à l'un des contempteurs les plus forts de cet individualisme, qui sera Pierre Leroux, puisque Pierre Leroux inventera le terme de socialisme pour l'opposer à celui d'individualisme, en disant « mettre fin à l'individualisme, c'est mettre en place une société socialiste ». Et le mot « socialisme » sera forgé par lui dans le sens de cette opposition. Et il écrira « Aujourd'hui, la société est en poussière parce que les hommes sont désassociés, parce qu'aucun lien ne les unit, parce que l'homme est étranger à l'homme. » Et cette inquiétude, elle était multiforme. Elle était d'abord fondée sur une présupposition de type sociologique, celle de l'avènement d'une société atomisée qui n'était plus structurée par aucun corps intermédiaire. Le monde des ordres et des privilèges ayant disparu, les hommes et les femmes n'étaient donc plus définis par des collectifs d'appartenance. Ils étaient devenus de simples sujets de droit. Ils étaient de la sorte plus libres, mais en même temps comme privés de repères, soudain désorientés. On dénonçait aussi, dans le prolongement de cette angoisse, le risque d'une guerre de tous contre tous. La principale revue saint-simonienne de l'époque, Le Producteur, parlait en ce sens de l'esprit d'hostilité inséparable du règne de l'individualisme. On le rapportait ainsi aux notions d'état d'insolidarité, de désassociation, d'état de guerre. Et le terme de concurrence était pour cela imposé dans le monde du travail à côté de celui d'individualisme pour qualifier les menaces de la modernité telles qu'elles étaient directement et sensiblement ressenties et vécues. C'était en France que l'on pouvait faire ces analyses, mais la même chose se posait de l'autre côté de la Manche. Si on voit par exemple le manifeste de Robert Owen, une grande figure équivalente au Saint-Simonien français, on verra que le langage était exactement le même, voire le chapitre « On Competition » de son manifeste. À côté de cette critique de l'individualisme, On voit également monter en puissance, à cette époque, de tous côtés, le procès de la médiocrité et du conformisme. C'est le procès d'ordre culturel de cette médiocrité, de cette conformisme, qui est parallèlement instruit. Alors les écrivains ont certes là été en première ligne pour rejeter le cours jugé menaçant d'une culture de masse. Et les termes de cette critique seront fixés pour la première fois avec éclat à la fin des années 1830. C'était alors le développement des romans-feuilletons. Les romans-feuilletons qui paraissaient par tranches au pied de la première page des journaux de l'époque et qui étaient une motivation très forte d'achat des journaux. Et c'est le développement des romans-feuilletons qui donna le signal d'une campagne organisée de dénigrement de ceux-ci. Ces publications furent accusées d'être le vecteur d'une entreprise d'avilissement de la littérature par sa réduction à l'état d'un bien quelconque de consommation. Et c'est Sainte-Beuve qui lança la polémique dans les colonnes de la Revue des Deux Mondes en septembre 1839 en lançant une charge intitulée « De la littérature industrielle ». Le roman-feuilleton n'était qu'une coupable industrie, comme on le dira alors. Avec lui, la littérature s'était faite marchandise pour alimenter la demande toujours croissante de journaux. Elle était devenue un élément décisif de la conquête du lectorat, le moteur de la croissance entre les titres. Et c'est exactement dans la même veine que Baudelaire se fera parallèlement le contempteur de l'industrie photographique et de ses prétentions à constituer un art. Il considérait en effet cette photographie comme un moyen vulgaire de satisfaire une foule prête à se contenter d'un rapport appauvri à la nature, une foule incapable de comprendre la puissance propre de la peinture dans sa restitution du monde. Un dieu vengeur a exaucé les vœux de cette multitude, disait Baudelaire, daguerre fut son messie. Il n'aura pas de mots assez durs pour railler une industrie, refuge de tous les peintres manqués, qui conspiraient à l'appauvrissement du génie artistique français. Et les termes d'obscénité, de trivialité, de fatuité, d'imbécilité se basculeront sous sa plume pour déplorer les effets d'une modernité détructrice de l'art, manifestation la plus forte de ce qui doit en fait constituer une humanité agrandie, destruction au nom de la poursuite de la satisfaction médiocre des masses. Et si la situation française était visée au premier chef par ces diatribes, c'est l'Amérique qui sera, pendant cette période, regardée comme le miroir grossissant de cette évolution. L'Amérique, image négative de la modernité, elle est encore, dans toute la littérature que j'ai signalée tout à l'heure, elle est ouvertement et classiquement, mais c'est dès ce moment-là que l'on voit cette critique se mettre en place. Les cours du Collège de France le 24 janvier 2018. Vous venez d'écouter Pierre Auzan-Vallon, les années 1968-2018, une histoire intellectuelle et politique. Aujourd'hui, le grand retournement, ruptures équivoques et critiques de la modernité. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre Auzan-Vallon. Son essai « Le bon gouvernement » est disponible désormais dans la collection Point Seuil depuis 2017. Je rappelle également l'ouvrage d'Antoine Compagnon « Les antimodernes » de Joseph de Maistre à Roland Barthes chez Gallimard en 2005. Réalisation Anne Sacheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration des critiques virulentes de la modernité en compagnie de Pierre Auzan-Vallon. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.